Osée chapitre 9. Israël, ne te réjouis point jusqu'à t'égayer comme les autres peuples, de ce que tu as commis adultère, te retirant loin de ton Dieu. Tu as aimé le salaire de la fornication dans toutes les aires de froment. L'air et la cuve ne les répétera point, et le vin douleur mentira. Ils ne demeureront point en la terre de l'Éternel, mais Éphraïm retournera en Égypte, et ils mangeront en Assyrie la viande souillée. Ils ne feront point aspersion de vin à l'Éternel, et leurs sacrifices ne lui plairont point, mais ils leur seront comme le pain de deuil, tous ceux qui en mangeront seront souillés, parce que leur pain est pour leur trépassé, il n'entrera point dans la maison de l'Éternel. Que ferez-vous au jour des fêtes solennelles, et au jour des fêtes de l'Éternel? Car voici, ils s'en sont allés à cause du dégât, l'Égypte les serrera, Memphis les ensevelira, on ne désirera que leur argent, le chardon sera leur héritier, et l'épine sera dans leur tabernacle. Les jours de la visitation sont venus, les jours de la rétribution sont venus, et Israël le saura. Les prophètes sont fous, les hommes de révélation sont insensés à cause de la grandeur de ton iniquité, et de ta grande aversion. La sentinelle d'Éphraïm est avec mon Dieu, mais le prophète est un filet d'oiseleur dans tous les chemins d'Éphraïm, il est l'aversion contre la maison de son Dieu. Ils se sont extrêmement corrompus, comme au jour de Guiba, il se souviendra de leur iniquité, il punira leurs péchés. J'avais, dira-t-il, trouvé Israël comme des grappes dans un désert, j'avais vu vos pères comme un premier fruit en un figuier dans son commencement, mais ils sont entrés vers Baal-Péor, et se sont séparés pour aller après une chose honteuse, et se sont rendus abominables comme ce qu'ils ont aimé. La gloire d'Éphraïm s'envolera aussi vite qu'un oiseau, dès la naissance, dès le ventre, et dès la conception. Que s'ils élèvent leurs enfants, je les en priverai, tellement que pas un d'entre eux ne deviendra homme, car aussi, malheur à eux, quand je me serai retiré d'eux. Éphraïm était comme j'ai vu Tyr, planté en un lieu agréable, mais néanmoins Éphraïm mènera ses fils au meurtrier. Ô Éternel, donne-leur. Mais que leur donnerais-tu? Donne-leur un saint sujet à avorter, et des mamelles taries. Toute leur méchanceté est à Gilgal, c'est pourquoi je les ai haïs, je les chasserai de ma maison, à cause de la malice de leurs actions, je ne continuerai plus à les aimer, tous les principaux d'entre eux sont revêches. Éphraïm a été frappé, et leur racine est asséchée, ils ne feront plus de fruits, et s'ils engendrent des enfants, je mettrai à mort les fruits désirables de leur ventre. Mon Dieu les rejettera, parce qu'ils ne l'ont point écouté, et ils seront vagabonds parmi les nations.